C'est incroyable comment il y a du monde, le monde du petit peuple va se sacrifier, puis on y fait valoir toutes sortes d'affaires, puis c'est pareil partout, là. Mais finalement, c'est vrai que tu te sacrifies pour du monde qui te respecte pas. C'est ça, être colonisateur. Même les colons israéliens, ils vont payer au bout de la ligne. Ils s'en foutent, là, ceux qui mènent pour vrai. C'est des pions. C'est des pions sur un jeu d'échecs. Donc, autrement dit, tu décris les dirigeants qui gouvernent pour le vrai comme étant des psychopathes. Ben oui, c'est l'évidence même. Moi, j'ai jamais cru les théories d'affaires de reptiliens. Puis, par contre, au niveau de l'archétype, puis de la conscience humaine endormie à travers les formes, il reste que quelque part, il y a une réalité. C'est-à-dire que ceux qui nous mènent, ils sont des reptiles au niveau émotionnel, là. Ils sont tellement cyniques, ils sont tellement pas d'empathie, pas de compassion. Pour eux autres, on est du bétail, là. Puis ça a tout le temps été. Ça a tout le temps été comme ça. C'était pareil partout. Puis pour ce qui est des êtres au-dessus d'eux, c'est-à-dire ceux du plan éthérique qui ont généré le monde physique et manifeste. Ben là, on tombe dans des sphères, là. On tombe dans les affaires des sphères. Puis là, rendu là, je peux pas être sûr de rien tant que ça. Tout ce que je sais, c'est que quelque part, ouais, il y a un plan. C'est évident, parce qu'on voit, il y a des programmations. Ça a été voulu. Puis les peuples, on dirait qu'il faut qu'ils souffrent. Puis on dirait que dans le fond, le but, c'est de créer des individus de plus en plus perfectionnés au niveau de leur conscience. C'est-à-dire, on dirait qu'il y a sur Terre des forces de. Comment je pourrais dire ça? Je trouve pas le mot, là, mais c'est de l'adversité qui a été mis là exprès. Puis, mais dans le fond, qu'est-ce qui va en profiter au bout de la ligne, c'est qu'à un moment donné, ben, on va s'adapter, on va finir par la voir de plus en plus la game. Du monde qui comprenne comment ça marche, il y en a bien plus à Star qu'il y en avait à la Renaissance, là. Mais ils Oui. ferment le gueule, ils sont pas fous. Où on les entend sur Internet, dans des médias alternatifs, Bon, ceux qui sont fous un peu, dans le fond, parce que c'est où... dangereux. C'est dangereux. À moins que tu le sais qu'il y a des guerres aussi dans ces clics-là. Puis tu t'arranges à faire attention. Ça me fait penser, c'est comme Machiavel quand il publie Le Prince. Il dédie à l'Oral Magnifique. Il sait que l'Oral Magnifique, il va pas jeter un bouquet de fleurs. Faut que ça passe mieux. T'sais, mais il reste que. Parce qu'ils sont puérils, c'est du monde puéril, dans le fond. Qui, je parle ceux qu'on voit, là, puis qui ont une certaine capacité décisionnelle.